Exercice 1, page 167. A. Page, plage. B. Peur, pleure. C. Banc, blanc. D. Pas, plat. E. Froid, froid. F. Toi, trois.